Deuxième livre des Chroniques, chapitre 20. Après ces choses les enfants de Moab, et les enfants de Ammon vinrent, car les Ammonites s'étaient joints aux Moabites pour faire la guerre à Josaphat. Et on vint faire ce rapport à Josaphat, en disant, il est venu contre toi une grande multitude de gens, des quartiers de-delà la mer, et de Syrie, et voici ils sont à Tsatson-Tamar, qui est en Guedi. Alors Josaphat craignit, et se disposa à rechercher l'Éternel, et publia le jeûne partout Juda. Ainsi Juda fut assemblé pour demander du secours à l'Éternel, et on vint de toutes les villes de Juda pour invoquer l'Éternel. Et Josaphat se tint debout en l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel, au devant du nouveau parvis. Et il dit, ô Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas le Dieu qui est aux cieux, et qui domine sur tous les royaumes des nations, et certes ta main est la force et la puissance, de sorte que nul ne peut te résister. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays de devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham, lequel t'aimait? De sorte qu'ils y ont habité, et t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, s'il nous arrive quelque mal, savoir l'épée de la vengeance, ou la peste, ou la famine, nous nous tiendrons devant cette maison et en ta présence, parce que ton nom est en cette maison, nous crierons à toi à cause de notre angoisse, tu nous exauceras, et tu nous délivreras. Or maintenant voici, les enfants de Ammon et de Moab, et ceux du mont de Séir, parmi lesquels tu ne permis point aux enfants d'Israël de passer, quand ils venaient du pays d'Égypte, car ils se détournèrent d'eux, et ils ne les détruisirent point, voici, pour nous récompenser, ils viennent nous chasser de ton héritage, que tu nous as fait posséder. Ô notre Dieu, ne les jugeras-tu pas, vu qu'il n'y a point de force en nous pour subsister devant cette grande multitude qui vient contre nous, et nous ne savons ce que nous devons faire, mais nos yeux sont sur toi. Et tous ceux de Juda se tenaient debout devant l'Éternel, avec leurs familles, leurs femmes, et leurs enfants. Alors l'Esprit de l'Éternel fut sur Jaaziel, fils de Zacharie, fils de Benaïa, fils de Jehiel, fils de Matania Lévite d'entre les enfants d'Azaph, au milieu de l'assemblée. Et il dit, vous tous de Juda, et vous qui habitez à Jérusalem, et toi, roi Josaphat, soyez attentifs. L'Éternel vous parle ainsi, ne craignez point, et ne soyez point effrayés à cause de cette grande multitude, car ce ne sera pas à vous de conduire cette guerre, mais à Dieu. Descendez demain vers eux, voici, ils vont monter par la montée de Tsi, et vous les trouverez au bout du torrent, vis-à-vis du désert de Jéruel. Ce ne sera point à vous à combattre dans cette bataille, présentez-vous, tenez-vous debout, et voyez la délivrance que l'Éternel vous va donner. Juda et Jérusalem, ne craignez point, et ne soyez point effrayés, sortez demain au-devant d'eux, car l'Éternel sera avec vous. Alors Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem, se jetèrent devant l'Éternel, se prosternant devant l'Éternel. Et les Lévites d'entre les enfants des Kéhatites, et d'entre les enfants des Corites, se levèrent pour louer d'une voix haute et éclatante, l'Éternel le Dieu d'Israël. Puis ils se levèrent de grand matin, et sortirent vers le désert de Tekoa, et comme ils sortaient, Josaphat se tenant debout, dit, Juda, et vous habitants de Jérusalem, écoutez-moi. Croyez en l'Éternel votre Dieu, et vous serez en sûreté, croyez ses prophètes, et vous prospérerez. Puis ayant consulté avec le peuple, il établit des gens pour chanter à l'Éternel, et pour louer sa sainte magnificence, lesquels marchant devant l'armée, disaient, célébrez l'Éternel, car sa gratuité demeure à toujours. Et alors qu'ils commencèrent le chant du triomphe et la louange, l'Éternel mit des embûches contre les enfants de Ammon, les Moabites, et ceux du mont de Séir, qui venaient contre Juda, de sorte qu'ils furent battus. Car les enfants de Ammon et les Moabites, s'élevèrent contre les habitants du mont de Séir, pour les détruire à la façon de l'interdit, et pour les exterminer, et quand ils eurent achevé d'exterminer les habitants de Séir, ils cédèrent l'un l'autre à se détruire mutuellement. Et ceux de Juda vinrent jusqu'à l'endroit de Mitzpah au désert, et regardant vers cette multitude, voilà, c'étaient tous des corps abattus par terre, sans qu'il en fût échappé un seul. Ainsi Josaphat et son peuple vinrent pour piller leur butin, et ils trouvèrent de grandes richesses parmi les morts, et des hardes précieuses, et ils en prirent tant, qu'ils n'en pouvaient plus porter, ils pillèrent le butin pendant 3 jours, car il y en avait en abondance. Puis au quatrième jour ils s'assemblèrent dans la vallée appelée de bénédiction, parce qu'ils bénirent l'Éternel, c'est pourquoi on a appelé ce lieu-là, la vallée de bénédiction, jusqu'à ce jour. Et tous les hommes de Juda et de Jérusalem, et Josaphat marchant le premier, tournèrent visage pour revenir à Jérusalem avec joie, car l'Éternel les avait remplis de joie à cause de leurs ennemis. Et ils entrèrent à Jérusalem dans la maison de l'Éternel, avec des musettes, des violons, et des trompettes. Et la frayeur de Dieu fut sur tous les royaumes de ce pays-là, quand ils eurent appris que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Ainsi le royaume de Josaphat fut en repos, parce que son Dieu lui donna du repos tout alentour. Josaphat donc régna sur Juda. Il était âgé de 35 ans quand il commença à régner, et il régna 25 ans à Jérusalem. Sa mère avait nom Azuba, et elle était fille de Sili. Il suivit la voie d'Asa son père, et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit devant l'Éternel. Toutefois les hauts lieux ne furent point ôtés, parce que le peuple n'avait pas encore disposé son cœur envers le Dieu de ses pères. Or le reste des faits de Josaphat, tant les premiers que les derniers, voilà ils sont écrits dans les mémoires de Jéhu fils de Hanani, selon qu'il a été enregistré au livre des rois d'Israël. Après cela Josaphat roi de Juda, se joignit à Achazia roi d'Israël, qui ne s'employait qu'à faire du mal. Et il s'associa avec lui pour faire des navires, et pour les envoyer en Tarsis, et ils firent ces navires à Ethion-Guébé. Alors Éliézer fils de Dodava, de Maréza, prophétisa contre Josaphat, en disant, « Parce que tu t'es joint à Achazia, l'Éternel a détruit tes ouvrages. » Les navires donc furent brisés, et ils ne purent point aller en Tarsis.